Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture où aujourd'hui nous allons parler de notre chère région Lorraine puisque je reçois Adrien Chaubeau pour son livre qui a été réédité en 2025, La Lorraine insolite. Bonjour Adrien. Bonjour Sarah. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui dans les studios de Caprice de lecture. On va traverser un petit peu l'histoire de la Lorraine parce que nous allons, je crois, traverser à peu près 1000 ans d'histoire. On peut même pousser à 2 millions d'années, donc autour de 30 petites histoires, comme un voyage, à travers l'histoire. Alors Adrien, pourquoi avoir choisi ce format pour raconter donc 2 millions d'histoires pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas et qui auraient envie de découvrir donc ce format? Ce sont des petites histoires qui sont racontées sur 8-10 pages, ça ressemble à des petites nouvelles, en plus très, je trouve ça très ludique. Alors pourquoi ce format? Alors, en fait, ce livre, c'est un petit peu, je dirais, un best-of, excusez-moi l'anglicisme, de mes années de journalisme, où j'ai eu la chance à la fois de travailler sur des aspects culturels, essentiellement de la culturelle, puis bon, parce que c'est d'ailleurs quelque chose qui se sent bien, à travers les pages. Culturel et historique aussi, parce que bon, j'ai un grand intérêt pour l'histoire, c'est ma formation initiale, hein, je suis historien de formation, et puis c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, et puis surtout... Vraiment, ce qui a présidé à la réalisation de cet ouvrage, c'était vraiment la curiosité pour ce qui a pu se passer à côté de chez nous, quoi. On est dans les studios de Fadjet, il y a une église à côté de nous, et on peut tout à fait imaginer d'essayer de réfléchir un petit peu à ces gens qui ont vécu ici, qui sont passés par là, qui peut-être... Ont traversé des guerres, des épisodes, oui. Quels qu'ils soient, même pas forcément remontant à Mathusalem, oui. Mais tout simplement, même encore il y a quelques 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'est-ce que ça pouvait être? Et donc... En fait, voilà, il y avait toute une série de questions d'histoire que j'ai rencontrées au fil de ma carrière de journaliste et qui méritaient justement, je pense, d'être repartagées, de ne pas rester comme ça, qui n'étaient plus nécessairement disponibles au grand public, ouais. De redonner une deuxième vie justement à tout ce travail qui avait été fait et puis qui avait pour point commun, je dirais, de regarder, d'observer, de redécouvrir, je dirais, notre région sous un angle, sous un jour un peu nouveau, un peu différent, avec un regard qui est le mien, qui aurait pu être celui d'un autre. Ou un regard plutôt moderne. Moi, j'avais envie de dire moderne. Oui, c'est un ça. Regard oui, moderne c'est l'idée. Je suis d'une génération... Il ne s'agissait pas de faire encore un livre sur Stanislas ou le Saint-Nicolas. Il y en a encore. Ils sont très bien faits. Moi, ce n'est pas ce que je chercherais à faire. Mais justement, l'idée, c'était d'aller voir un petit peu, de creuser, d'enquêter un petit peu, ouais. Parce que c'est quand même un petit format enquête. J'essaie de comprendre parfois juste le pourquoi du comment d'un événement relativement banal ou dont on a déjà peut-être entendu parler et qui mérite peut-être un éclaircissement et puis de retrouver justement ce qui s'est passé. Ok. Alors justement, vous parliez, c'est quelquefois des événements qu'on a pu oublier alors que c'était à côté de chez nous ou ça fait partie de notre région. C'est quoi la genèse de ce livre? C'est-à-dire à quel moment Adrien Chaubeau se dit « Tiens, sur 2 millions d'années d'histoire, je vais en choisir 30 dans ce format-là ». Est-ce que vous avez commencé à chercher des détails? Est-ce que c'est venu un peu comme ça, en discutant peut-être avec des personnes autour de vous? C'est exactement ça. Alors, il y a un épisode qui remonte à 2 millions d'années parce qu'il est géologique essentiellement, ouais. En fait, c'est quand ça expliquait en fait comment la Moselle se jetait dans la Meuse à une époque. Et donc ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais étudiant à l'université Nancy 2, qui s'appelait pas encore Université de Lorraine, et où les géographes avaient travaillé justement sur cette particularité géographique quasi mondiale. C'est un phénomène très particulier et quand on y regarde bien, voilà, juste savoir qu'à une époque, la Moselle qui coule, qui descend du col de Bussan, qui passe par Remiremont, Épinal, etc., arrive à Toul, tout d'un coup, elle fait un grand virage à droite. Fut une époque où elle allait tout droit. Donc ça, je l'ai découvert, le congrès dont je vous parle a eu lieu très exactement en 95. Donc c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et puis de fil en aiguille, voilà, je rencontre des gens de toutes les générations, ouais. Des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont un intérêt pour la culture, des gens qui ont un intérêt pour l'histoire, des gens qui ont un intérêt. Et puis de fil en aiguille, ce livre, on me demande s'il y aurait une deuxième version, un deuxième épisode. Alors, on pourrait, mais là, j'ai vraiment essayé de mettre vraiment les histoires les plus folles, ouais. Les histoires les plus rocambolesques, les plus originales, les plus marquantes, en tout cas à mon regard, et qui finalement ont pour point commun la Lorraine, ouais. hein, mais c'est à peu près le seul, quoi. C'est... Okay, parce que moi, je pense, celle qui m'a le plus fait rire, c'est Paul McCartney, place Stanislas. Oui. Bah... Qui veut être complètement anonyme, et quand les gens s'approchent, parce qu'il était au Café Foy, de mémoire, si c'est ça, je sais plus. Alors, si c'est non, non, il était sur la place. Et donc, les gens s'approchent en disant, vous êtes Paul McCartney, il dit non, pas du tout, je suis un sosie. Et je trouve ça très drôle, et vous l'avez amené de façon à ce qu'on, dès les premières lignes, on accroche sur l'histoire. Et le format du livre, alors vous choisissez 30 histoires parmi les centaines d'histoires, ou des histoires, on va dire, pas formatrices de la Lorraine, mais des histoires qui sont vraiment ancrées dans la tradition, et vous arrivez à les rendre hyper ludiques. Alors la tradition, Paul McCartney, on peut pas dire que ce soit la tradition. Je pense, je pense à la femme à barbe aussi. Oui. Voilà, qui n'a pas entendu parler de la femme à barbe. Et en même temps, qui connaît sa vie. Et qui, oui, connaît, personne. Et qui connaît ce qu'il y a derrière. Bah, et puis pas surtout, grand monde. La question qui se posait véritablement, c'est la Lorraine. Peut-on dire que la femme à barbe est Lorraine? Ben, pas exactement. Ouais. Parce qu'elle n'est pas la seule. Et qu'en effet, elle a atteint une certaine notoriété. Elle a clairement joué. Elle en a joué. Elle en a joué, mais avec... une autodérision folle, là où on pourrait penser que c'était quelque chose de disgracieux, que c'était quelque chose, voilà, ça s'appelle un hirsutisme, c'est un problème. Et non seulement elle n'était pas la première, mais encore aujourd'hui, il y a d'autres femmes, oui, à barbe qui ont justement ce dérèglement, oui, hormonal qui fait qu'elles ont une barbe très conséquente. Et par exemple, voilà, ce qui est aussi impressionnant, enfin, on pensait que la femme à barbe était justement réservée à des spectacles de foire. Hein, oui, c'était c'était dans on les. On les montrait justement un petit peu comme des monstres, oui, comme les freaks de Todd Browning. Mais pour le coup, non, la femme à barbe de Thaon-les-Vosges, j'ai bien rencontré Place Carnot à Nancy. À l'époque, il y avait déjà des foires, ouais, et des cirques qui passaient. Elle a bien rencontré la femme à barbe du cirque Barnum et trouvé qu'elle avait une barbe ridicule. Donc à partir de là, elle estimait qu'elle pouvait faire tout, au moins aussi tout, bien, elle fait comme sinon, elle... sinon mieux. Bon, voilà, ça l'a pas empêché de tenir un magasin de lingerie sur la fin de ses jours, hein, comme quoi. De se marier. De se marier. Alors n'a pas eu d'enfant. On peut imaginer que la question des hormones a pu rentrer en ligne de compte, mais. Et elle a quand même fait une vie de femme. Et puis surtout de femmes, alors je dirais, j'ai envie de faire un parallèle un peu avec les influenceuses d'aujourd'hui, quoi, où tout d'un coup, en vivant juste la vie qui était la sienne, elle est devenue une espèce d'icône, à la fois très médiatique, très populaire, et bon, voilà, il y a quand même, voilà, disons que l'idée, encore une fois, c'était de comprendre un petit peu quelle avait été sa vie, de le raconter en quelques pages, de pas forcément, bon, avec, dans la limite des détails possibles impartis, mais voilà, de découvrir finalement une portion de région, et puis je vous dis d'essayer peut-être de répondre à la question de la femme à barbe est-elle Lorraine, oui et non. Bien, merci pour tous ces éclaircissements sur la femme à barbe. On va faire une première coupure musicale avec un morceau de votre choix. Alors si j'ai bien écrit sur mon carnet, c'est Ama... Anna. Anna Jagodu. Jadagou, d'accord, j'ai tout écrit à l'envers. What You Did, alors pour moi, strictement inconnu, c'est votre choix, et pouvez-vous l'expliquer à nos auditeurs? Alors, vous m'avez demandé deux morceaux, et c'est vrai que j'ai eu envie à la fois de faire quelque chose de sympa, de rigolo, d'à mon image, et puis c'est aussi, bon, ceux qui liront le livre comprendront que j'ai un fort penchant pour les musiques actuelles. Et donc, en fait, c'est en m'intéressant tout simplement à la fois, enfin, c'est en m'intéressant au travail de studio de Marcus Linon, qui aujourd'hui donc gère un studio à Paris, enfin dans la région parisienne, qui est assez mythique, et je pourrais détailler, mais je vais pas m'étaler. Donc, en fait, présente un petit peu les artistes qui ont enregistré dans son studio, et pour le coup, voilà, ça a été pour une de mes découvertes, un de mes coups de cœur, et la petite anecdote pour vous dire que finalement les choses se lient et nous ramènent quelque part, on peut toujours retrouver des similitudes qui nous ramènent à nous, c'est que donc elle est signée sur le fameux label Sub Pop qui est aussi le label de ce groupe dénommé Metz, M-E-T-Z. Très bien, effectivement la boucle est bouclée, eh bien on écoute et on revient juste après pour la deuxième partie d'émission. I Caprices de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprices de lecture, toujours en présence d'Adrien Chaubeau. Pour son livre édité à la Nuée Bleue, donc c'est une mise à jour de mars 2025, La Lorraine insolite, 30 petites histoires comme un voyage à travers l'histoire. Alors Adrien, comme vous l'avez précisé en début d'émission, vous avez une formation d'historien. Moi je trouve qu'être historien, c'est aussi être un peu enquêteur. On va chercher le détail, celui qui peut faire la différence ou celui, avec grand bonheur, que jamais personne avant vous n'a pu trouver. Alors justement, cet esprit un petit peu d'historien, chercheur, etc., est-ce que ça peut vous inspirer pour aller dégoter d'autres histoires qui sont peut-être moins connues, ou est-ce que ça vous donne pas envie d'écrire autre chose, peut-être d'un peu plus élaboré sur un élément de notre histoire lorraine qui serait peut-être un peu comme un mystère? Alors, c'est vrai qu'on va dire que le point commun, on va dire que ce qui m'a fait passer à la fois de l'histoire au journalisme, c'est, bon, je vous dis, à la fois, en effet, un intérêt. Quelque part, tout est histoire. Oui. On peut tout regarder sous le prisme de l'histoire. C'est un petit peu ce qui est là, et là où justement ça devient rigolo, c'est qu'au final, ben, la grande histoire recroise la petite histoire. Et donc, c'est la possibilité, justement, parfois, de rentrer dans la grande histoire par la porte de la petite. En fait, j'aime bien la multiplicité des sujets, j'aime bien les choses qui varient, j'aime bien m'intéresser à plein de choses. Le point commun, je dirais aussi qu'il y a entre l'historien et le journaliste, c'est la curiosité. Ouais. Je pense que c'est déjà c'est pas un vilain défaut, c'est même sain dans une certaine limite. Et puis, plus que de la curiosité, moi j'ai besoin d'apprendre des choses. Ouais. Et j'ai besoin de vous nourrir tout le temps. J'ai besoin de me nourrir tout le temps, j'ai besoin de... Je préfère presque plus parfois, plutôt que de me lancer dans un format très long sur un seul sujet. Ouais. Alors aujourd'hui, je m'intéresse à... Même encore aujourd'hui, même si j'ai resserré, je dirais, ouais. les sujets, il y en a toujours certains qui prédominent et qui sont sans rapport, hein, pour le coup, avec tout ça. Mais avec ce que j'écris ici. Mais voilà, c'est la possibilité, je dirais, d'avoir quand même au moins, sur certains formats, d'avoir eu déjà une bonne vision, une bonne lecture, une bonne compréhension d'éléments, ma foi, qui peuvent être des petites fiertés régionales. Et puis surtout, voilà, plus de la même manière que j'ai besoin d'apprendre, j'ai aussi besoin d'étonnement. Ouais. Surprenez-moi, quoi, vraiment, racontez-moi des choses. Bien évidemment qu'on peut s'intéresser, voilà, je vous disais, on peut s'intéresser à la rue d'en bas, savoir qui était le nom, qui était cette personne dont la rue porte le nom. Ça m'intéresse parfois, je suis très content de le savoir. Une fois fait, je ne vais pas forcément faire une biographie, une hagiographie, oui, et je vais très vite passer au sujet suivant. C'est presque comme un coup de cœur sur le détail qui fait la différence, quelque part, des fois. Oui, le détail, en même temps... C'est-à-dire, chouette, j'ai trouvé ça, ou ça me plaît bien, ou voilà, quoi. Oui, mais puis parfois, il n'y a pas forcément non plus besoin d'en faire 150 pages. Oui, je suis d'accord. Okay. C'est toujours intéressant, je vous dis, et ça a été fait, hein, des livres sur les noms des rues de Nancy, oui. pour prendre cet exemple-là, il y en a d'autres. Moi, je cherche un livre sur les noms féminins des rues. Il n'y en a pas tant que ça, des noms féminins des rues. Il y en a, mais moins que des noms masculins. Il y en a plus qu'avant. Voilà. Alors, Adrien, avant qu'on passe à la deuxième coupure musicale, est-ce qu'on pourrait être un petit peu au courant de votre actualité, qu'elle soit littéraire ou historique? Est-ce que vous avez encore des petites choses dans les placards pour les années à venir? Est-ce qu'il y a des choses peut-être en cours de création? Alors, j'ai la qualité, je vais dire, d'être plutôt curieuse. Et moi, voilà, j'aime bien de temps en temps savoir s'il y a des petites choses qui se préparent. Alors, quand je vous disais que je m'intéresse à plein de choses, je ne m'intéresse pas juste à l'histoire et au journalisme, donc et à la culture. Alors, qui ont été vraiment mes... voilà, aujourd'hui, je suis sur d'autres, dans d'autres registres. Pour le coup, j'ai une activité musicale, on va dire, aussi à titre plus personnel. Mais en fait, voilà, je me suis, on va dire, pour ainsi dire, réorienté. Je me travaille ou je me passionne pour un autre univers, on va dire, qui, pour le coup, est encore plus infini qu'une région territoriale et qui est celui de la psychologie. Bon, peut pas, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la choucroute? Vous me demandez mon actualité. Je vous demande. et encore, je vous dis ça, je fais encore plein d'autres choses, quoi. Okay. Donc, on va dire ça. Donc, est-ce que, du coup, il n'y aura pas de deuxième version ou une suite aux 30 petites histoires de Lorraine. Non, je crains que non, parce que, bon, voilà, l'idée, c'était vraiment... C'est pas un non définitif, vous craignez que non. Je crains... Ça peut paraître... ça m'a pris énormément de temps, en fait, déjà de faire celui-là. Quand je vous disais que, quelque part, l'histoire de la Moselle qui se jette dans la Meuse, je l'ai apprise il y a 30 ans, bah, les différents sujets que j'ai pu rencontrer, en effet, je les ai rencontrés sur plusieurs décennies, au final. Alors, peut-être pas, on va dire, sur 20 ans. Mais en entendant une fois l'un, une fois l'autre, prenant le temps d'enquêter, et puis je ne faisais pas que ça, je ne faisais pas que ces sujets-là, puisque je vous disais que c'était un best-of de mes années de journalisme. Je travaillais sur plein d'autres sujets, et voilà, c'était l'occasion, j'ai eu l'occasion, je dis, de rencontrer certains. Puis à la fois, justement, de mener ces petites enquêtes. Je vous dis, si un deuxième tome arrivait, quelque part, je crains qu'il ne soit pas aussi fulgurant, aussi surprenant que le premier. Alors, en effet, on pourrait faire plein de choses, on pourrait encore en dire. Mais voilà, l'idée, ce n'est pas d'aller rechercher sur des témoignages, des histoires qui, de toute façon, ont déjà été traitées par d'autres. Et puis, peut-être que vous-même n'avez plus, peut-être, j'allais dire, le même engouement ou la même envie. Oui, parce qu'on change aussi. Et voilà. Vraiment, ce livre, l'idée, c'est de partager une connaissance, j'allais dire un savoir, c'est, le mot était peut-être un petit peu fort, mais... Je trouve que pour la culture G, pour briller en société, ça le fait. Hein. Assez radical. Ça le fait. Ça m'a été rapporté tel quel par un ami. Franchement, ça marche bien. Un ami m'a acheté le livre et je lui demande si ça t'a plu. Il me fait, oh là là, si tu savais, une ou deux fois, en soirée, je brille. Et il me l'a vraiment présenté comme ça. Donc vraiment l'idée, c'est surtout de parler de choses, qui à notre époque, il y a toute une génération qui ne sait pas forcément ça. Il y a beaucoup de sujets, encore une fois, qui peuvent paraître. Certains vont vous dire, oui, j'en avais déjà entendu. Je sais pas, la Bête des Vosges, par exemple. Et ça reste un espèce de truc en écho transmis où on n'a qu'un fond de vérité. Voilà. Et mon éditeur disait, je suis un peu un démystificateur. Et j'aime bien l'idée parce que c'est vrai que moi, encore une fois, dans le besoin de comprendre ce qu'il y a derrière. Et la bête, quand je dis que je parle de la Bête des Vosges, j'y pense parce qu'on la voit en couverture. Donc la Bête des Vosges, oui, elle a bien existé. C'était un fait divers de la fin des années 70. Certains en ont refait une... Oui, il y a eu des livres, aussi, des romans. Il y a eu des choses, des téléfilms, il y a eu plein de choses. Et la question, c'est de rappeler justement ce qu'il pouvait y avoir. Moi, je fais même un parallèle avec le traitement... Enfin, j'évoque le traitement médiatique du sujet où déjà, à l'époque, on essayait de faire passer les Vosges pour une terre, une contrée un peu hostile. Et puis quand on regarde finalement le traitement médiatique d'une affaire criminelle seulement quelques années plus tard, on se dit que s'il y avait quelque chose de... Je suis d'accord avec vous. Voilà. On va faire la deuxième et dernière coupure musicale de votre choix. Je vais essayer de ne pas écorcher, sauf si Adrien voulait bien le dire à ma place. Je vais gagner. Begin, it is English. Voilà, et c'est A Dream Goes On Forever. Ça, je me suis pas trompé. Je vous avoue, je me souviens même plus du titre. Alors dites-nous pourquoi Vegin, c'est vraiment c'est vraiment la plus belle, une des meilleures découvertes que j'ai pu faire ces derniers temps en matière de musique électronique. Je pense que là on a affaire à vraiment un des artistes les plus inventifs, créatifs du moment. Il a été vanté, vraisemblablement il a été vanté par Pedro Winter qui est qui gère le label Ed Banger, et en fait qui était aussi qui est plus connu dans le milieu pour avoir été le premier manager de Daft Punk et qui disait de Vegin que c'était tout à fait le genre d'artiste qu'il aimerait avoir dans son catalogue. Très bien, merci pour toutes ces précisions. On revient juste après pour votre caprice de lecture. the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Prise de lecture sur Fadjet. Troisième et dernière partie d'émission, toujours en présence d'Adrien Chaubaud. Et Adrien, justement, avant de nous faire part de votre caprice de lecture, justement, dans votre ouvrage La Lorraine insolite, au milieu de ces 30 petites histoires, laquelle vous a le plus plu ou laquelle, c'est pour laquelle vous avez eu votre plus gros coup de cœur? J'avoue avoir m'être beaucoup beaucoup amusé à recenser les apparitions d'ovnis en Lorraine. non pas que ce soit quelque chose auquel je crois particulièrement, mais parce qu'encore une fois, je dis le titre du livre, ça aurait pu être C'est arrivé près de chez vous. Oui. Et pour le coup, c'est voilà, celle qui m'a peut-être fait le plus sourire. Ouais. Où je suis amusé. Alors voilà, le GEPAN, par exemple, qui justement recense les apparitions de l'objet volant non identifié, c'est pas nécessairement les petits hommes verts, oui, exact. Ou gris, dans des voilà, c'est on sait ce que c'est pas, mais on sait pas ce que c'est. Exact. Donc, on pratique le doute. Est-ce que vous avez eu à parfois, alors on parle des apparitions d'ovnis effectivement, mais est-ce que vous avez eu l'impression quelquefois en faisant vos recherches pour écrire ces, je sais pas, des nouvelles, j'appelle ça des nouvelles, mais non, c'est une erreur de ma part, c'est vraiment des petits récits, d'avoir à démêler le vrai du faux? Bah d'essayer. Ah, je dis pas que c'est parfaitement réussi, j'ai pas après la prétention. Mais quelquefois ça doit être tellement flagrant que c'est pas vrai. Au lecteur de se faire son avis. Ok, excellente réponse. Au lecteur, non mais vraiment, sincèrement, j'ai pas. Quand je vous dis que ça m'a fait marrer, enfin, c'est parce que quand on se retrouve finalement à l'histoire par exemple du bûcheron au fin fond des Vosges qui se serait retrouvé nez à nez avec une soucoupe volante, oui. qui lui attaquait à la hache avant d'être projeté par un rayon plusieurs mètres en arrière. Bon. La route en question, je la connais. Est-ce que cet homme avait bu uniquement de la boisson non alcoolisée? Voilà. Ça date des années 50, j'étais pas là pour vérifier, j'ai pas pu l'interviewer, mais c'est rapporté dans la presse. C'est rapporté dans la presse de l'époque. Donc, et le truc, c'est que bien évidemment, je crois que c'est la fameuse année 54. Ça a marché. Qui était millésimée dans le jargon, parce que c'est l'année où dans le monde entier, il y a eu le plus d'apparitions. Alors, à quoi était-ce dû? Plein de réponses possibles, mais voilà, il y a plusieurs témoignages, par exemple, qui racontent sur deux ou trois jours, sur une bande de terre, de 50 km en région Lorraine, des gens différents qui ne se connaissent pas, qui ont rapporté avoir vu des choses. Bien. Voilà, je ne vais pas plus loin, mais c'est rigolo de voir parfois certains éléments qui s'emboîtent. Puis, tout ce qui est le monde de l'espace, c'est quelque chose qui me fascinait quand j'étais enfant. Oui. Ça, c'est le côté-là qui est... Et puis je vous dis, voilà, imaginez la rencontre entre le bûcheron vosgien qui ne tournait peut-être pas qu'à la vitelle, et puis la soucoupe volante, c'est... je peux même rajouter, puisqu'on est à Nancy, le cas des amarantes que je décris, qui date donc de 1982. Pas si vieux. Alors pas si vieux, qui a été rapporté par un biologiste. Oui, donc sérieux. Donc on peut imaginer que le gars lui aussi aime bien l'eau minérale. Et voilà, ça fait partie des rencontres du troisième type. Alors c'est pas ton troisième type, c'est pas celui qui est en face. Hein. Ça veut dire qu'elle est très rapprochée. J'allais faire une blague. Moins d'un mètre. Est-ce que ce biologiste s'appelait David Vincent? Alors, ce cher David. Parlons-en. Ce cher David, parlons-en. Il vous répondra qu'il a vu Nib. Et puis mais bon voilà. Enfin, pardonnons ses parents de ne pas avoir une grande culture télévisuelle. Quoi. Adrien, c'est votre caprice de lecture. Votre livre choisi que vous souhaitez présenter aux auditeurs, la parole est à vous, je n'interviens plus. Alors, oula, sans filet, hein, sans filet, sans préparation. Oui. Alors, caprice de lecture. Alors pour le coup, j'ai pas pu m'empêcher de venir avec quelque, avec un, on va dire quelque chose d'original. Peut-être quelque chose que malheureusement vous ne trouverez pas au fameux hall du livre, malheureusement. Mais c'est un petit livre qui me suit depuis que j'ai l'âge de 10 ans et qui s'intitule Tout sur tout, petit dictionnaire de l'insolite et du sourire. Ok. Et là, c'est un deuxième exemplaire que j'ai trouvé dans un arbre à livres de Nancy, que je compte offrir d'ailleurs à un ami. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle un miscellané. Okay. C'est-à-dire que c'est, enfin, dire une petite compilation de références culturelles, de petits sujets qui sont sans rapport les uns avec les autres. Et c'est un livre de quand ? Alors, bah, puisque je vous dis que je le lisais quand j'avais 10 ans... Je n'aurais pas l'audace de vous demander votre âge, ça, mais... il est à peu près... De quelle décennie ? Les années 80. Ok. Voilà. Et donc, en fait, sous couvert de petits sujets classés par ordre alphabétique, bah, on découvre voilà, les palins, ce que c'est que les palins, qu'un pas des palindromes, des verolorimes... pour briller en société, Pareil. Oui, non, c'est complètement ça. Vous avez vraiment on va vraiment penser que je suis quelqu'un qui... Donc, avoir dans le sac, toujours, en soirée, la Lorraine insolite et alors, ce petit livre, si vous le retrouvez, parce que je vous dis, je suis pas sûr qu'il soit encore édité, mais ce que je trouvais intéressant finalement en l'amenant, c'est alors oui, par exemple, il y a des exemples de calembours, des exemples de charades aussi qui sont parfois très connus. Enfin bref, c'est à la fois de la culture et du rire. Très bien. Et vraiment, si j'ai pensé à ce livre, c'est le point commun que je dirais, ou c'est ce que j'aime trouver justement dans des livres, et puis sur plein de sujets. Ouais. Sur plein de sujets, je vous dis que donc le miscellané, normalement, alors ça s'écrit SCE2L, si je dis pas de bêtises, ça a pour objet de traiter toute une série de sujets, ce qui semble sans lien avec les autres. Si vous lisez mon livre, vous allez vous rendre compte que parfois il y a des liens qui se font et de façon assez naturelle. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a fait rire, dont je me suis rendu compte en creusant. Il y a quand même, voilà, il y a parfois des sujets justement qui se suivent de façon assez limpide. Et bon, voilà. Donc ça s'appelle, parce que moi ça m'intrigue ça, Tout sur tout. Petit je le prête, dictionnaire. Je le prête volontiers, c'est juste que je vous dis, je pensais l'offrir à un ami, si vous voulez, vous le lisez. Petit dictionnaire de l'insolite et du sourire. Il n'y a même pas la maison d'édition, c'est à l'intérieur. Et je me demande si ce n'est pas une célèbre maison d'édition, enfin une célèbre... Qui a disparu depuis. Oui. Hein oui. Voilà. Et qui n'était pas vraiment une maison d'édition. Non, mais on y trouvait quand même des trucs pas mal. La preuve. Voilà, Adrien, merci pour tout. Je rappelle le titre de votre livre, La Lorraine insolite, 30 petites histoires comme un voyage à travers l'histoire, aux éditions La Nuée Bleue. Si vous souhaitez briller en société et faire part de toutes vos connaissances sur la femme à barbe, Paul McCartney ou la Bête des Vosges, il faut vous procurer ce livre. Je vous souhaite un très bon après-midi. Adrien, à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.